Chapitre 2. Rencontre dans la jungle. Corcoran s'inclina d'un air respectueux et commença son discours en ces termes. « Peut-être avez-vous entendu parler, messieurs, du célèbre Robert Surcouf de Saint-Malo. Son père était le propre neveu du beau-frère de mon bisaïeul. Le très illustre et très savant Yves Cotterquem, aujourd'hui membre de l'Institut de Paris et qui a découvert, comme chacun sait, le moyen de diriger les ballons, est mon cousin Germain. Mon grand-oncle, Alain Corcoran, surnommé Barberousse, était au collège en même temps que feu M. le vicomte François de Chateaubriand et eut l'honneur, le 23 juin 1782, d'appliquer son poing fermé sur l'œil du vicomte pendant la récréation entre 4h30 et 5h de l'après-midi. Vous voyez, messieurs, que je suis de bonne maison et que les Corcorans peuvent lever haut la tête et regarder le soleil en face. De moi-même, j'ai peu de choses à dire. Je suis né une ligne de pêche à la main. Je montais seul dans la barque de mon père à l'âge où les autres enfants connaissent à peine l'alphabet. Et quand mon père eut péri en portant secours à un bateau pêcheur en détresse, je m'embarquai sur la chaste Suzanne de Saint-Malo qui allait pêcher la baleine vers le détroit de Béring. Après 3 ans de course vers le pôle nord et le pôle sud, je passai de la chaste Suzanne sur la belle Émilie, de la belle Émilie sur le fier Artaban, et du fier Artaban sur le fils de la tempête, un vrai Kélé qui file ses 18 nœuds à l'heure, toute voile dehors. « Monsieur, interrompit le secrétaire perpétuel de l'Académie, vous avez promis l'histoire de Louison. Prenez patience, répliqua Corcoran, la voici. » Mais un bruit lointain de tambour lui coupa la parole, on battait le rappel. « Qu'est-ce ceci ? » demanda le président avec inquiétude. « Je devine, » répondit Corcoran. « C'est le portier effrayé qui a barricadé la porte et qui est allé demander du secours au poste voisin. « Poltron, va !»« Parbleu !» dit un académicien. « Il aurait bien mieux fait de laisser la porte ouverte. Je ne perdrai pas mon temps à écouter l'histoire de Louison. « Attention !» dit le capitaine. « Voilà qui devient sérieux. On sonne le tocsin. » Effectivement, le tocsin retentit au clocher le plus voisin et se communiqua bientôt à tous les autres avec la rapidité de la flamme poussée par le vent. « Bombe et mitraille !» dit en riant le capitaine. « L'affaire sera chaude, ma pauvre Louison, car je vois qu'on va t'assiéger comme une place forte. » Pour revenir à mon histoire, messieurs, c'était vers la fin de l'année 1853. J'avais fait construire le fils de la tempête à Saint-Nazaire et je venais de décharger dans le port de Batavia 700 ou 800 barriques de vin de Bordeaux. L'affaire était bonne. Donc, content de moi, de mon prochain, de la divine providence et de l'état de mes affaires, je résolus un jour de prendre un plaisir qu'on n'a pas souvent sur mer, celui de la chasse au tigre. Vous n'ignorez pas, messieurs, que le tigre, qui est d'ailleurs le plus bel animal de la création, regardez Louison, a reçu malheureusement du ciel un appétit extraordinaire. Il aime le bœuf, l'hippopotame, la perdrix, le lièvre, mais ce qu'il préfère à tout, c'est le singe, à cause de sa ressemblance avec l'homme, et l'homme à cause de sa supériorité sur le singe. De plus, il est délicat. Il ne mange jamais 2 fois du même morceau, et par exemple, si Louison avait dévoré à déjeuner une épaule de monsieur le secrétaire perpétuel, rien ne pourrait l'obliger à goûter de l'autre épaule à l'heure du lunch. Elle est friande comme un chat d'évêque. Ici, le secrétaire fit la grimace. Mon Dieu, monsieur, continua Corcoran. Je sais bien que Louison aurait tort et que les 2 épaules se valent, mais c'est son caractère, on ne se refait pas. Je partis de Batavia, portant mon fusil sur l'épaule et chaussé de grandes bottes, comme un Parisien qui va chercher un lièvre dans la plaine Saint-Denis. Mon armateur, M. Cornelius van Crittenden, voulait me faire accompagner par 2 Malais chargés de dépister le tigre et de se faire manger à ma place, si par hasard le tigre était plus habile que moi. Vous entendez bien que moi, René Corcoran, dont le bisaïeul était l'oncle du père de Robert Surcouf, je me mis à rire en entendant cette proposition. On est mal loin ou on n'est pas mal loin, n'est-ce pas? Or, je suis mal loin, et de mémoire d'homme, on n'a jamais entendu parler d'un mal loin mangé par un tigre. Au reste, la réciproque est vraie, et l'on ne sert pas souvent de tigre sur la table des mal loin. Cependant, comme après tout, il me fallait des aides pour transporter ma tente et mes provisions, les 2 Malais me suivirent, conduisant un chariot. Je rencontrai d'abord, à quelques lieues de Batavia, une rivière assez profonde qui traversait la forêt des singes, aussi grande et plus peuplée d'animaux carnassiers que le département même de la Seine. C'est dans ces épais fourrés qu'on trouve le lion, le tigre, le boa constrictor, la panthère et le caïman, les plus féroces de toutes les bêtes de la création, l'homme seul excepté, qui tue sans besoin et pour le plaisir de tuer. Dès qu'il fut 10 heures du matin, la chaleur devint si forte que les Malais eux-mêmes, accoutumés pourtant à leur propre climat, demandèrent grâce et se couchèrent à l'ombre. Pour moi, je m'étendis dans le chariot, la main sur ma carabine, car je craignais quelque surprise et dormis profondément. Un spectacle étrange m'attendait au réveil. La rivière sur le bord de laquelle j'avais établi mon campement était appelée McIntosh, du nom d'un jeune Écossais qui était venu chercher fortune à Batavia. Un jour, comme il la remontait en bateau avec quelques amis, un coup de vent jeta son chapeau dans la rivière. McIntosh étendit le bras pour le ressaisir, mais au moment où il le touchait, une gueule effroyable et qui semblait appartenir à quelque tronc d'arbre flottant sur l'eau se referma sur sa main, la saisit et l'entraîna au fond de l'eau. Cette gueule était celle d'un caïman qui n'avait pas déjeuné. On fit d'inutiles efforts pour repêcher McIntosh et pour le venger. Mais la Providence se chargea de châtier le meurtrier. La longue-vue de l'Écossais pendait en bandoulière sur sa poitrine. Soit que le caïman fût trop vorace ou trop affamé pour bien distinguer ce qu'il avalait, la longue-vue de McIntosh se mit, à ce qu'il paraît, en travers du gosier de l'amphibie, de manière qu'il ne put ni avaler tout à fait cet infortuné jeune homme, ni remonter du fond de l'eau à la surface pour respirer plus à l'aise, et qu'il mourut victime de sa gloutonnerie. On le retrouva quelques jours après, noyé, étendu sur le rivage, et n'ayant pas lâché McIntosh. « Monsieur, interrompit le président de l'Académie, il me semble que vous vous écartez sensiblement de votre sujet. Vous nous aviez promis de nous donner l'histoire de Louison et non pas celle de la longue vue de M. McIntosh. » « Monsieur le président, répliqua Corcoran avec déférence, je reviens à Louison. » Il était donc à peu près 2 heures de l'après-midi lorsque je fus éveillé tout à coup par des cris horribles. Je me mets sur mon séant, j'arme ma carabine et j'attends avec patience l'ennemi. Ces cris étaient poussés par mes deux Malais qui accouraient tout effrayés pour chercher un asile sur le chariot. « Maître, maître, dit l'un d'eux, voici le seigneur qui s'avance, prenez garde. » « Quel seigneur, dis-je, le seigneur tigre. » « Eh bien, il m'épargnera la moitié du chemin. Voyons donc ce terrible seigneur. » Tout en parlant, je sautai à terre et j'allai à la rencontre de l'ennemi. On ne le voyait pas encore, mais on pouvait deviner son approche à la frayeur et à la fuite de tous les autres animaux. Les singes se hâtaient de remonter sur les arbres et du haut de ses observatoires lui faisaient des grimaces pour le braver. Quelques-uns même, plus hardis, lui jetaient à la tête des noix de coco. Pour moi, je ne devinais la direction dans laquelle il marchait qu'au bruit des feuilles qu'il foulait et froissait sous ses pieds. Peu à peu, ce bruit se rapprocha de moi, et comme le chemin était à peine assez large pour laisser passer deux chariots, je commençai à craindre de l'apercevoir trop tard, et de n'avoir pas le temps de l'ajuster, car l'épaisseur du fourré le cachait entièrement. Heureusement, je reconnus bientôt qu'il devait passer près de moi, mais sans me voir, et qu'il allait tout simplement boire dans la rivière. Enfin, je l'aperçus, mais seulement de profil. Sa gueule était ensanglantée. Il avait l'air satisfait et les jambes écartées comme un rentier qui va fumer son cigare sur le boulevard des Italiens après un bon déjeuner. À 10 pas de moi, le bruit sec du chien de ma carabine que j'armais parut lui causer quelque inquiétude. Il tourna la tête à demi, m'aperçut à travers un buisson qui nous séparait et s'arrêta pour réfléchir. Je le suivais de l'œil, mais pour le tuer d'un coup, il aurait fallu l'ajuster au front ou au cœur, et il s'était posé de 3/4 comme un tigre de qualité qui fait faire son portrait par le photographe. Quoi qu'il en soit, la divine Providence m'épargna ce jour-là un meurtre déplorable, car ce tigre, ou plutôt cette tigresse, n'était autre que ma belle et charmante amie, cette douce Louison, que vous voyez qui nous écoute d'une oreille si attentive. Louison, je puis bien à présent lui donner ce nom, avait déjeuné, comme je vous l'ai dit, et ce fut un grand bonheur pour moi et pour elle. Elle ne pensait qu'à digérer en paix. Aussi, après m'avoir regardé obliquement pendant quelques secondes, tenez, à peu près comme elle regarde à présent le secrétaire perpétuel. Ici, le secrétaire changea de place et alla s'asseoir derrière le président. Elle continua lentement son chemin et s'avança vers la rivière qui coulait à quelques pas de là.